نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نعم. Non, donc on va continuer aujourd'hui le sujet dont on a commencé la semaine passée à parler, c'est le sujet de al-salafiyya, al-da'wat al-salafiyya, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie. Non, donc on était rendu au point où le cheikh avait mentionné la citation de l'imam Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Saoud rahimahullah, dans lequel il avait dit « Innani rajulun salafi wa aqidati hiya salafiyya wa allati amshi bimuqtabaha ala al-kitabi wa sunna ». Donc il disait, l'imam, dans son khutbah qu'il a donné lors du hajj en 1365 hijri, « Je suis un homme salafi, ma aqida c'est salafiyya, et c'est la voie par laquelle je marche sur الكتاب والسنة sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était pour expliquer que l'imam ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab et ceux qui les ont suivis parmi ses élèves par la suite, et ceux qui ont appelé à cette da'wah, eh bien ils ont fait uniquement qu'appeler à la da'wah salafiyya. C'était pas comme les ennemis de cette da'wah ont prétendu, une nouvelle da'wah, une nouvelle ou une innovation, mais c'était la da'wah salafiyya qui était renouvelée par cet imam, et non comme ils l'appellent eux, al-wahhabiyya. Yani, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'ils prétendent comme étant une nouvelle version de l'islam ou une secte ou quoi que ce soit. Et juste une anecdote à ce sujet-là, je me souviens qu'une fois j'étais assis avec des musulmans et on discutait, et dans ce temps-là j'étais quand même assez nouveau dans l'islam, et j'avais lu un livre traduit en anglais de l'imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, et c'était un livre qui s'appelle en arabe Adab al-Zafaf, c'est-à-dire les étiquettes lorsqu'on se marie, lorsqu'on va aller faire, et qu'est-ce qu'on doit faire lors de la nuit de noces et toutes ces choses-là, selon le Coran et la Sunna. Donc ça c'est un livre qui avait été traduit en arabe, et j'avais lu ce livre. Donc j'étais assis avec quelques frères, on discutait. Et là, quand j'ai mentionné que j'avais lu un passage dans un livre de cet imam, Mohamed Nasiruddin al-Albani, yani, j'avais lu le livre malgré que je ne connaissais pas l'auteur. Je ne sais pas qui était cet imam. D'accord? Je ne savais pas que c'était un des grands ulama de cette époque et que c'était un des grands muhaddithin. Donc, j'avais lu ça et j'ai mentionné à une des personnes qui était là, qui faisait partie du groupe de Jama'at al-Tablir. Je lui ai mentionné que j'avais lu un passage dans ce livre et que l'imam avait mentionné que, par exemple, raser la barbe c'était haram ou un autre point. Je ne me souviens plus exactement lequel. Et puis, la personne a répondu en disant « Ah, celui-là, il veut faire un cinquième madhab. Il veut faire un cinquième madhab. D'accord? Donc ça, ça m'avait étonné de l'entendre dire cette chose-là, d'accord? Et puis surtout que, ils disent souvent, les gens disent à que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il voulait créer un cinquième madhab. D'accord? Et quand j'avais entendu ça au début, bon, au moins je ne comprenais même pas ce que ça pouvait signifier, d'accord? Mais plus tard, après, quand j'ai compris c'était quoi les madhab, c'était quoi un madhab, et c'était quoi les différences entre les madhab et tout ça, j'ai vu que qu'est-ce qu'il disait en réalité, ça s'appliquait même pas du tout à à la situation et que ça avait aucun rapport. Premièrement, comme j'avais déjà mentionné au dernier cours, il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna qu'il doit y avoir uniquement quatre madhahib. D'accord? Dans le Coran et dans la Sunna, si tu regardes, si tu regardes dans le Coran et dans la Sunna, tu vas pas voir aucune mention ou aucune citation qui prouve qu'il doit y avoir un nombre spécifique de madhahib. D'accord? Si quelqu'un te dit par exemple, tu dois obligatoirement être maliki, ou tu dois obligatoirement être un autre parmi les madhahib comme Shafi'i ou Hanafi ou Hanbali, alors tu peux lui demander, quelle est la preuve de ça? Quelle est la preuve qu'on doit suivre un parmi les madhahib? D'accord? Parce qu'il y a, parmi les gens de Bid'a, les gens qui ont dit que c'est obligatoire pour un musulman de faire partie d'un madhhab. D'accord? Ils ont dit que c'est obligatoire pour un musulman de suivre un madhhab. Et lorsque tu es dans ce madhhab, c'est interdit pour toi de prendre quoi que ce soit à l'extérieur de ce madhhab. Peu importe la preuve. D'accord? Donc, ils disent aux musulmans que c'est obligatoire pour quelqu'un de suivre un madhhab et une fois qu'il est dans ce madhhab, il n'a pas le droit d'en sortir. Pour une raison ou pour une autre. Et ça, c'est quelque chose pour eux qui est considéré comme étant wajib, et même que certains d'entre eux sont allés à l'extrême de dire que si quelqu'un sort de son madhhab, ou si quelqu'un croit qu'il n'est pas obligé de suivre un madhhab, il devient kafir. Ça, c'est parmi les extrémistes, parmi ces groupes-là qui ont dit, ou c'est parmi ces gens-là qui ont dit une telle chose, d'accord? Donc, comme on a expliqué déjà, il n'y a aucune preuve qu'on doit suivre, ou qu'il doit y avoir quatre. Premièrement, il n'y a aucune preuve de ça. Il y avait plusieurs a'immas, à l'époque de ces quatre imams-là, qui avaient d'autres madhahib, et aucun d'entre eux n'ont jamais ordonné ou obligé à aucun musulman de les suivre. Et chacun de ces imams, que ce soit l'imam Ahmad, ou Shafi'i ou Ahmad, Shafi'i ou Abu Hanifa ou Malik, n'a jamais ordonné à personne ou obligé à personne de suivre ses positions. En fait, même le contraire de ça a été rapporté par chacun de ces imams. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, il disait à ses étudiants de ne pas écrire tout ce qu'il disait. Il dit peut-être que je dis quelque chose aujourd'hui et puis que je change d'opposition demain. Donc, prenez pas tout ce que je dis. Et ça a été rapporté aussi selon la parole de l'imam Malik, rahimahullah, qui disait toute personne, on peut accepter une parole de lui et on peut la rejeter. Excepté la personne qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, parce que l'imam Malik était l'imam de la ville de Médine. Et toute sa vie, il a vécu seulement à Médine. Il n'est jamais sorti, excepté pour faire le Hajj. Donc, il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il a dit ça, il a dit, toute personne, on peut prendre ou rejeter sa parole, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la parole de l'imam Malik. Il y a une autre parole aussi de l'imam Shafi'i, aussi, qui est dans ce sens-là. L'imam Shafi'i disait, il a sah al-hadith, fahuwa madhhabi. Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab. Laissez tomber ma parole, suivez le hadith. Et une fois, il parlait avec un de ses élèves sur un sujet de l'islam et il mentionnait un hadith. Alors, il dit à son élève le hadith et l'élève dit, est-ce que toi, ta position, ta position, c'est quoi? On voulait dire, après que l'imam a fini de mentionner le hadith, il demandait à l'imam, et toi, ta position, c'est quoi? Et là, l'imam a dit, est-ce que tu m'as vu que je sors d'une église? Est-ce que tu penses que je suis un prêtre ou un rabbin? Que je dis une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que je vais faire une autre que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? En voulant dire, il lui dit ça pour lui faire comprendre que, yani, automatiquement, s'il dit le hadith, c'est ça sa position, c'est ça son madhhab. Et comme on avait déjà expliqué aussi que les positions des Ahlul Hadith, que ce soit l'imam Malik, pardon, que ce soit l'imam Muslim ou Al-Bukhari et les autres parmi les imams qui ont rapporté les hadiths, leur fiqh, c'était le hadith qu'ils mentionnaient dans leur livre de fiqh, dans leur livre de hadith. C'était ça leur fiqh. Quand tu vois l'imam Al-Bukhari, comment il a divisé son livre, à chaque chapitre, il marque un titre, et tu vois que parfois, il marque un titre à son chapitre, et quand tu le lis, tu te dis, subhanallah, tu vois pas automatiquement le rapport direct entre le titre et le sujet du hadith qui est ici en dessous. Sauf que c'est parce que lui, l'imam al-Bukhari, il a extrait d'une partie de ce hadith-là le verdict pour prouver le titre de ce chapitre. D'accord? Donc, c'est en se basant sur le fiqh qu'il a divisé son livre de hadith de cette façon-là. D'accord? Et ça, si vous avez la chance de retourner à Sahih al-Bukhari, prenez le temps de bien lire les titres de ces chapitres et d'analyser comment il organise ses preuves. Et vous allez constater comment il fait les choses. De même que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a un livre dans son livre de hadith qui s'appelle Kitab al-Tawhid. Un des chapitres s'appelle Kitab al-Tawhid. Et là-dedans, il mentionne les preuves de madhhab al-Sunnah al-Jama'a. Et ça fait partie de sa aqida, l'aqida de l'imam al-Bukhari. Donc, si vous voulez connaître la aqida de l'imam al-Bukhari, vous lisez les hadiths qu'il a écrits dans son livre de hadith. La même chose que l'imam Muslim, lorsqu'il mentionne dans son livre Kitab al-Iman, et bien ça c'est sa position à lui au sujet de l'Iman. Et en même temps, c'est une réfutation pour les gens de Bid'ah qui ont amené des innovations dans la Aqidah et dans l'Iman. Et lui, à chaque chapitre qu'il met, il mentionne un hadith pour les réfuter. Et en même temps, il mentionne des preuves dans ces hadiths-là pour établir le madhhab de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc là, je me suis éloigné un petit peu du contexte ou du sujet, mais c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu cette chose-là. Par la suite, il y a les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal aussi qui sont très claires là-dessus, sur ce sujet-là, au sujet du fait qu'on ne doit pas suivre les opinions de quiconque de façon aveugle. Par exemple, l'imam, ça a été rapporté au sujet de l'imam Ahmad, qu'il disait, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là, qui connaissent le hadith, et qui connaissent l'isnad, hein, et qui laissent la preuve pour suivre les positions de Soufiane al-Thawri, ou pour suivre les positions d'un autre alim. Il a mentionné quelques-uns, Soufiane al-Thawri et d'autres, parmi les imams, les a'imma qui étaient avant lui. Il laisse le hadith pour les positions de ces personnes-là. Et là, il a mentionné une ayah dans le Coran qui dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui contredisent son ordre prennent garde qu'une fitna les atteigne, ou qu'un dur châtiment les atteigne, que les atteigne une grande fitna, ou qu'un dur châtiment, ou un dur châtiment. أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد الدين. هل تعرفين ما هي الفتنة في هذا الverset؟ الفتنة الشرك. الفتنة هي الشرك. في الصورة التي تضعين الكلمات الله والكلمات النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاليتي مع الكلمات الآخرين التي ليسوا نبيين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, ça c'est tous des exemples et des paroles des a'imma eux-mêmes qui sont retrouvés dans les livres des ulama qui expliquent que de penser qu'on est obligé de suivre aveuglément un imam ou un savant de l'islam, alors ça c'est une bid'a de penser ça. Et en même temps, bon, c'est sûr que dans l'islam, les ulama ont dit c'est pas interdit de suivre un alim tant qu'on connaît sa preuve, car il donne un verdict. Mais de dire à quelqu'un c'est obligé de suivre un alim et de prendre tout ce qu'il dit et que c'est interdit de contredire ce alim-là et de prendre quelque chose d'un autre alim différent dans un autre madhhab, ça c'est comme si tu as mis cette personne au même niveau que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme si tu le prends comme une personne qui est infaillible, qui ne peut pas se tromper. Hein? Exactement. Non, ça c'est aussi une autre position. C'est une autre chose. Par exemple, ça a été cité par l'imam Ahmed, l'imam Malik. Il a dit, si vous trouvez dans ce que j'ai dit quelque chose qui est en désaccord avec le hadith, jetez-le sur le mur et laissez tomber ma position et prenez le hadith. En fait, j'ai rien contre si quelqu'un fait un commentaire ou me corrige ou me donne me rappelle de quelque chose ou bien me rappelle un point important de ce genre. De cette façon-là, j'ai aucun problème. C'est juste si par exemple, comme je me souviens au dernier cours, lorsqu'on faisait aussi le sunnah, bon, tous les prêtres ils trouvaient que c'était intéressant le sujet, donc tout le monde voulait participer, mais dans ce cas-là, on n'avance pas, donc c'est mieux laisser les questions pour la fin, et puis là, on va répondre aux questions. Mais comme si vous avez quelque chose à me rappeler, ou un point, ou quelque chose de ce genre-là, ou si je me trompe dans un hadith, ou dans un verset du Coran, ou si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez m'arrêter, me corriger, me faire partager aussi un point aussi important. Ça, j'ai pas de problème. Mais comme le frère a dit, Barakallahu Fikam, c'est important de pas trop. Oui. Tout ça pour en revenir au point où la personne qui m'avait dit, lui, il veut faire un cinquième madhab. Subhanallah. Alors qu'il y avait beaucoup plus que cinq madhab. Quand on pense que chaque imam qui vivait à cette époque-là, s'il avait une position, alors c'est son madhab. Chaque imam avait un madhab. D'accord? Et pas, il n'y en avait pas seulement quatre imams, beaucoup plus que quatre. Sauf qu'on en a préservé, les gens ont préservé parmi ces quatre mazahis, les gens ont préservé parmi tous les mazahis des ulama, quatre en particulier. Okay? Et ils les ont répandus à travers les pays musulmans. Et ils sont devenus populaires, plus que les autres. Hein? Et l'imam Ibn Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, quand il fait la récitation du taqlid, de ces choses-là, et de suivre aveuglément les madhahib, il dit Subhanallah, le madhhab de l'imam, le madhhab de Abu Bakr Siddiq, le madhhab de Omar ibn Khattab, le madhhab de Ali ibn Abi Talib, le madhhab de Uthman ibn Affan, le madhhab de Mu'ad ibn Jabal, le madhhab d'Abdullah ibn Abbas, le madhhab d'Ibn Mas'ud, tous ces madhhab, on les a pas préservés. Et on préserve les madhhab de quatre parmi les ulama qui sont venus deux ou trois siècles après. Et on oblige les musulmans, on dit vous êtes obligés de suivre ça. Donc il essaie de faire comprendre que s'il y avait des madhhab à préserver, ça aurait été ces madhhab-là. Et bien entendu, beaucoup de leurs madhhab, beaucoup de leurs opinions et de leurs positions ont été préservées. Sauf que, c'est pas quelqu'un qui va dire aux musulmans, vous êtes obligés de les suivre. Et il y en a qui ont su inventer des faux hadiths. Parmi ça, les gens, il y en a qui ont inventé des faux hadiths, comme par exemple, Ashabika al-Nujum. Il y a un hadith qui dit, mes sahabas sont comme des étoiles. N'importe lequel d'entre eux vous allez suivre, vous allez être bien guidés. Et ça, c'est un hadith da'if, un hadith qui n'est pas authentique du tout. Et on ne peut pas le prendre et l'utiliser comme preuve pour justifier qu'on peut suivre un seul sahabi et le suivre aveuglément dans tout ce qu'il a dit. Parce qu'il y en a des sahaba, parfois, ils se trompaient dans un jugement. Hein? Et des sahaba, parfois, réfutaient d'autres. Hein? Parfois, Ibn Abbas, il réfute un autre sahabi. Parfois, même Aïcha, radhiyallahu anha, elle entend qu'un sahabi a dit telle chose, elle le réfute. Elle dit, subhanallah, moi j'ai entendu le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose pour répondre à qu'est-ce qu'un autre sahabi avait dit. Ou un autre parmi les imams, lorsqu'il a entendu, par exemple, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, quand il incitait les gens à faire le hajj tamattu, c'est une des trois sortes de hajj. Alors, et les gens disaient, oui, mais Abu Bakr et Omar nous disaient de ne pas faire le hajj tamattu, de faire un autre. Ibn Abbas, il dit, subhanallah, il dit, j'ai peur que des pierres tombent sur vos têtes du ciel. Je vous dis, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar a dit, donc, Abdullah ibn Abbas était fâché d'entendre ça. Et il essaie de leur faire comprendre que c'est grave ce qu'il disait. Et ici, il y a un dalil, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de mettre la parole de quiconque pour venir contredire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qui il est, peu importe son statut, son titre ou son niveau. Hein? Donc ça c'est une chose. Et là, donc, comme on a compris ça, et bien maintenant, quand on retourne à la parole de la personne qui disait « celui-là il veut créer un cinquième madhhab », on voit tout de suite que ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun poids, ça ne signifie rien, d'accord. Mais lorsque ces mêmes personnes-là, par exemple, parmi les Ikhwan, Al-Muslifin, comme Cheikh Moukbel les appelle, et ces groupes, l'Ikhwan Al-Muslifin, ça veut dire ceux qui sont des banques, qui ont fait faillite, les frères qui ont fait faillite, hein? Donc, c'est le groupe des Ikhwan Muslimin, ceux qui ont suivi le Soufi, la Hassan al-Banna, eh bien, ces gens-là, ils disent toujours, ah, eux, ils veulent faire un cinquième madhhab, ceux qui suivent le madhhab des Salaf. Là, ils veulent suivre un cinquième madhhab. Alors qu'en réalité, ils acceptent les Shi'as, les Rafidas, et ils disent que c'est un cinquième madhhab dans l'islam. Il l'appelle Al-Ja'fari, le madhhab Al-Ja'fari. Et pour ce madhhab, ils sont les bras ouverts. Et ils disent oui, on l'accepte. Alors que c'est un madhhab qui est complètement opposé à l'islam, complètement opposé au Coran et à la Sunna. C'est un madhhab qui ne fait même pas partie de la religion musulmane. Eux, ils placent les paroles des imams, de leurs 12 imams infaillibles, soi-disant infaillibles, au-dessus des paroles d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils permettent aux musulmans, et ils ordonnent même, et ils disent que c'est une adoration d'insulter Abu Bakr, Omar et les Sahaba. Hein? Ça fait partie de leur religion. Et parmi eux, d'insulter les Sahaba. D'insulter, de dire des insultes et de mentionner des insultes sur les Sahaba, ça fait partie des fondements de leur religion. Parce que pour eux, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les sahabas sont devenus des murtadoum, sont devenus des apostats, parce qu'ils n'ont pas mis Ali comme khalifa. Hein? Ils ont contredit l'ordre du prophète, hein? Ils sont devenus des apostats parce qu'ils n'ont pas mis Ali au pouvoir. Hein? Donc, eux pour eux, les sahabas sont des kuffars, ils ne sont pas des musulmans. Aussi, ils prennent les gens de Ahlul Bayt, hein? Les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les descendants de Ali, ils les adorent, ils les vénèrent en dehors d'Allah. Ils leur demandent l'intercession, ils les adorent, ils les prient, ils font le tawaf à leur tombe, hein, et ils font le hajj à Najaf et à Karbala et dans ces endroits-là. Ils font des bid'ah, ils prient sur la terre, sur des morceaux de roche, là, quand ils prennent des morceaux de terre de Karbala, la terre de Karbala, là où Hussein a été tué, et ils mettent cette terre-là par terre et ils font sujoud là-dessus quand ils prient dans leur mosquée, d'accord. Et ils prennent leurs photos, les photos de leurs imams, et ils affichent partout, alors que les photos, on sait que c'est haram. Hein. Donc, toutes sortes de shirk, de bid'ah qu'ils font, ces gens-là. Et eux, ils disent oui, eux sont le cinquième madhab dans l'islam. On a le droit de l'accepter, de le suivre. Et même que Hassan al-Banna a fait beaucoup d'efforts durant son vivant en Égypte pour faire ouvrir un centre en Égypte pour le rapprochement, soi-disant le rapprochement entre Ahl-Sunnah et les Shia, entre les gens de Sunnah et les Shia. Mais en réalité, ça a toujours, comme les ulama ont expliqué, ça a toujours été un appel d'un rapprochement à sens unique. C'est-à-dire le rapprochement toujours du côté des sunnis de se rapprocher aux chiites. Tandis que eux, de leur côté, ont toujours été fermes sur leur position et sur leurs principes et sur leur base. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils y croient. Et un des principes fondamentaux de leur religion s'appelle At-Taqiyya. Et At-Taqiyya, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu vois des musulmans sunnites, dis-leur pas qu'est-ce que tu crois vraiment. Cache-leur ta réalité, ta vraie croyance, parce que sinon, ils vont te rejeter et tu vas avoir des problèmes avec eux. Donc, pour être avec eux, pour les approcher à ton idée, à ta religion, hein, pour les faire entrer dans la religion des chiites, cache-leur certaines choses et puis reste avec eux. Donc, beaucoup d'entre eux, là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, les jeunes parmi les jeunes chiites, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont dans les cégeps, les universités et tout? Ils se tiennent avec des groupes de jeunes musulmans sunnites, et il y en a beaucoup, surtout dans les cégeps anglophones et les collèges anglophones, ils commencent à se tenir avec eux, et puis ils leur disent pas ouvertement les réalités de leur madhhab, mais ils leur glissent petit à petit des petites affaires au sujet des sahaba, ils commencent à insulter ou accuser Abu Bakr de certains crimes ou de certaines choses, il dit « Ah, il a fait telle chose », commencez à parler mal. Après, commencez à parler mal d'Omar ibn al-Khattab. Après, commencez à parler mal de Aïcha, radiallahu anha. Il y a tout un tas de petites choses comme ça pour commencer à créer des doutes dans leur esprit. Et après, ils vont parler de Khomeini et tout un tas de discours politiques, là, pour essayer de, parce que eux, c'est toujours entouré de politiques. Parce que les jeunes, c'est la seule chose qui les motive. Les discours émotifs qui parlent de politique. Ah, les Américains, ah, les pouvoirs, ah, faut faire du jihad, ah, des choses de ce genre. D'une façon, avec beaucoup d'émotion, pour faire croire aux gens qu'ils sont courageux, qu'ils sont forts, qu'ils n'ont pas peur des Américains. Et puis, en réalité, sont les plus grands alliés des koufars, hein, et eux-mêmes sont des koufars. Alors c'est pour ça que ces gens-là, il faut se méfier d'eux, et puis de dire que ceux-là sont un cinquième madhhab, il n'y a pas de problème, hein. Donc là, c'est en fait tout ça à la base même du problème. Et de dire, par exemple, qu'ils disent « Ah ben vous, pourquoi vous vous appelez salafi ?»« Ah ça c'est une bid'ah, t'as pas le droit de t'appeler salafi. » Pourquoi? Parce que Allah dans le Coran nous a appelé musulmans. Donc, on doit tous s'appeler musulmans, on ne doit pas s'appeler salafi. Hein? Mais quand tu regardes la référence et les preuves de ça et la signification d'être salafi, tout est clair. C'est toutes les références qu'on a mentionnées et qu'on va mentionner encore plus tard, tout ça montre que c'est correct et que c'est correct et c'est permis, même que c'est quelque chose de recommandé et de bien d'être salafi. Et c'est obligatoire à tout musulman d'être un salafi. Parce que ça signifie de suivre le Coran et la Sunna et de s'attacher à l'exemple des Sahaba et ceux qui ont suivi cette voie jusqu'au jugement dernier. Tandis que eux, ils ne voient aucun problème et aucun mal pour un musulman de se dire soufi. D'accord? Et de se dire Kijani, ou de se dire Qadiri, ou de se dire sur une autre tariqa parmi les autres. Donc, pourquoi? Quand c'est pour les salafis, ils sont si durs comme ça, puis si intransigeants, et qu'ils acceptent même pas la vérité, et ils rejettent même les choses qui sont claires du Coran et de la Sunna. Mais quand c'est pour les gens de bid'ah, et les gens qui sont clairement déviés, ils ont toutes les 1000 excuses du monde, et ils sont prêts à leur tendre l'aile, et à les couvrir, et à les aimer, et à les rapprocher, et à les défendre, et à être bons avec eux, mais pour les salafis, aucune pitié, aucune miséricorde et aucune douceur. Et il faut les éliminer et les rejeter automatiquement parce que pour eux, les plus grands problèmes, les plus grands ennemis, c'est les salafis. Donc ça c'est juste pour vous montrer un petit peu en passant là, j'ai fait un grand détour, mais je pense que c'est beaucoup, il y a beaucoup là-dedans, il y a beaucoup de ibrah, beaucoup de leçons pour les albab, pour les gens qui ont la raison, inshallah. Puis là, on avait cité aussi l'autre parole de l'imam Abdul Aziz ibn Abdul Rahman Al Saoud, après quand il disait aussi yaquluna innana wahhabiyya والحقيقة إننا السلفيون. Ils disent que nous sommes les wahhabiyya, mais la réalité c'est que nous sommes les salafiyoun. محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ils disent que nous sommes wahhabiyya, nous sommes des salafis en réalité. Et nous gardons notre religion et nous suivons le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a rien entre nous et le reste des musulmans excepté le Coran et la Sunna. فالمملكه العربيه السعوديه قامت على الاسلام الحق المبني على كتاب الله وسنه رسوله وفق فهم سلف الامه ولذلك اتسمت سياستها بالحكمه والعدل والتسامح مع المذاهب الفقهيه المعتبره بناء على هذا فإن طلاب كليات الشريعة في المملكة يدرسون فقه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا سيما في الجامعة الإسلامية بالمدينة لأن الخلاف بين هذه المذاهب ليس في العقيدة وإنما في الفروع الفقهية فيقول الملك عبد العزيز يرحمه الله والذي نمشي عليه هو طريق السلف الصالح ولا نكفر احدا الا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس من مذهب سوى مذهب السلف ولا نؤيد بعض المذاهب على بعضها فابو حنيفه ومالك والشافعي وابن حنبل ائمتنا كلام هذا الامام هو كلام نفيس يمثل المعنى الصحيح للسلفيه الذي هو معنى الإسلام معنى الصحيح للإسلام. Donc maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de tout ça aussi parce que ça se rattache même au sujet du texte du livre. Le chef il dit donc le royaume de l'Arabie Saoudite a été établi et fondé sur le Coran et la Sunna de son prophète la sunna du prophète d'Allah, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des salafs de cette umma. Et c'est pour ça que sa politique a été, elle a été imprégnée de sagesse et de justice. Et de tasamuh, c'est-à-dire de tolérance vis-à-vis des autres mazahib qui sont reconnu dans l'islam, comme le mazhab. Et une des preuves de ça, c'est que dans les universités, les facultés islamiques qui enseignent la charia en Arabie Saoudite, on enseigne le fiqh selon les quatre mazahib de Ahl Sunnah wal Jama'ah, et en particulier l'université islamique à Médine, là où j'ai étudié, ils enseignent الفقه المقارن الفقه comparé qu'ils enseignent les positions des quatre a'imma, les quatre mazahib, et puis ensuite ils font at-tarjih, comparaison avec les preuves de chaque mazhab pour essayer de déterminer laquelle des positions est plus près de la position d'Allah et de son prophète, laquelle est plus près de la preuve authentique. D'accord? Donc c'est de cette façon-là qu'on enseigne le fiqh là-bas. D'accord? Si tu vas à Kuliyatul Fiqh, Kuliyatul Sharia, une faculté qui s'appelle Kuliyatul Sharia, et là-bas, dans chaque sujet, dans chaque domaine de fiqh, dans chaque chapitre, et là, chaque fois qu'il y a une question, là on te dit voilà ce que tel imam a dit, voilà ce que telle position dit, et voici sa preuve. et voilà tel imam qu'est-ce qu'il a dit, et voici sa preuve. Et voici tel imam qu'est-ce qu'il a dit, voici sa preuve. Puis ensuite, on analyse toutes ces preuves-là. Est-ce que le hadith qui est mentionné, est-ce que c'est un hadith authentique? Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans l'isnad, dans la chaîne de narrateur? Est-ce que l'aïa qui est mentionné comme référence ou comme preuve sur telle question, est-ce qu'il se rattache vraiment au sujet en question? Est-ce que c'est réellement une preuve qui se rattache à ce sujet-là? Et là, on analyse ça, on regarde les tafasir, hein, on regarde les aqwal, les différentes citations des ulama. Et donc, on y va comme ça, étape par étape. Après, il y a une sorte de débat, puis là, une sorte de comparaison, puis là, à la fin, la personne, le cheikh, il explique, il dit, selon tout ce qu'on vient d'étudier et tout ce qu'on vient d'analyser, la position qui semble être la plus correcte selon le Coran et la Sunna, voici celle-là qui est la plus proche de la vérité, selon l'opinion de ce cheikh. D'accord? Et donc, c'est de cette façon-là que les ulama analysent les questions à l'université islamique et en général, parmi les ulama, c'est comme ça. Et, excepté bien entendu ceux qui font le taqlid aveugle, donc ils suivent aveuglément les mazahib, et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent dans le livre, fiqh, ils vont prendre la parole d'un cheikh, même s'il n'y a aucune preuve mentionnée. Ah, le mazhab nous dit qu'on doit faire ça, on le fait. Donc on passe sur cette question, est-ce qu'il y a une preuve, est-ce que la preuve est authentique ou des choses de ce genre. Et il y a un livre qui s'appelle Al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'a. Un livre qui est écrit de ce genre-là, s'appelle Le Fiqh selon les quatre mazahib. Tu ouvres ce livre-là, tu ouvres la page, le chapitre du jeûne, et là il te dit قال المالكية كذا وكذا قال الشافعية كذا وكذا قال الحنبلية كذا وكذا قال الحنفية كذا وكذا. Donc il te donne juste les aqwal de chaque mazahib et il te dit aucune preuve, aucun hadith, aucun verset du Coran. Donc c'est comme les gens, ils ouvrent ce livre, ils commencent à lire ça, ils disent bon, moi je suis maliki donc je vais faire ça, moi je suis hanbali, oh, moi je vais faire ça. Et ça c'est grave. Et c'est comme ça veut dire si il y a quatre religions là, il y a quatre charia que tu suis différentes. Et il y a aucune, comme si c'est pas basé sur une référence, c'est pas basé sur Coran et Sunna, c'est juste basé sur qu'est-ce que c'est un tel a dit. Et souvent, hein, quand tu lis un livre sur un madhab, la position que tu lis dans ce livre là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la position de l'imam du madhab. Hein. Par exemple, tu lis un livre écrit par un savant qui était maliki. Ça ne veut pas dire que ça, qu'est-ce qu'il a écrit dans son livre, c'était la position de l'imam Malik. Peut-être que l'imam Malik, lui, avait une position totalement différente de cette personne-là. Sauf que, étant donné qu'il dit, bon, moi je suis un savant maliki, et j'étudie les fondements et les principes du mazhab, et je fais des fatawa selon le mazhab. D'accord? Et donc, il va dire des affaires, même si à l'intérieur d'un même madhhab, il y a différentes opinions. Ouais. À l'intérieur du madhhab maliki, il y a pas tous les savants malikites, ils ne sont pas tous de la même position sur toutes les questions. Alaykoum salam wa barakatuh. La même chose pour les autres madhhabs. Et parfois même un seul et même imam, durant sa vie, il a eu plusieurs positions lui-même. Souvent, tu vas lire un livre de l'imam Ahmed, sur le mazhab de l'imam Ahmed, et là, les ulama te disent, voilà, il a eu trois positions sur cette question-là. La première position, voilà. La deuxième position, voilà. La troisième position, voilà. Donc, subhanallah, si c'était ça pour un seul imam, et dans un même mazhab, hein, alors imaginez quand on compare avec les quatre, et imaginez quand donc on suit juste aveuglément une personne, sans essayer de comprendre la référence et la preuve. Donc ça c'est la base de l'égarement, et ça c'est contraire, parce qu'Allah dit dans le Coran, « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » Allah dit dans, je ne sais plus dans quelle sourate, mais le premier verset de cette sourate-là, c'est écrit, et suivez ce qu'on a révélé sur vous, ce qui a été révélé sur vous de votre Seigneur. Et ne suivez pas autre chose en dehors de qu'est-ce qu'il a révélé. C'est-à-dire, ne vous détournez pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le contredire, alors que vous savez qu'est-ce qu'il a dit. Hein, et vous vous détournez aussi du Coran et de la Sunna pour les paroles de quelqu'un qui vient en contradiction avec, avec ça. Et même aussi l'imam, j'écoutais aujourd'hui Cheikh Al-Albani qui mentionnait un poème de l'imam Ibn Taymiyyah qui disait « Al-ilm qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba, laysa bit-tamwih » Donc la science, c'est quoi? C'est Allah a dit, et son prophète a dit, et les Sahaba ont dit. Voilà le ilm. Donc c'est comme je te dis, c'est pas obligatoire. Mais sauf qu'il y en a qui ont dit c'est obligatoire. Mais sauf que ça peut nous aider. On rejette pas complètement aussi les efforts des ulama, ceux qui ont fait des ijtihad et ceux qui ont étudié les questions, les différentes questions pour essayer d'arriver à la vérité. Tout ça, c'est comme une sorte d'aide pour nous, un support pour nous, une référence pour nous aussi. Ça supporte. C'est pas une preuve, mais c'est une confirmation dans certains cas. Par exemple, on va dire que tu as étudié une question, et là tu as lu les preuves du Coran et Sunna, et là tu dis, et tel a dit telle chose et telle chose. Aussi, il y a eu des divergences qui sont arrivées entre les Sahaba. Alors, quand il y a eu une divergence entre les Sahaba, hein, ça c'est aussi un autre principe important, c'est que les ulama ont dit, إذا اتفقوا اتفقنا وإذا اختلفوا اختلفنا. C'est-à-dire quand les Sahaba étaient en accord entre eux, on n'a pas le choix, on est obligé d'être en accord nous aussi. C'est-à-dire si tous les Sahaba étaient d'accord sur une chose, toi tu ne peux pas venir après et dire non, il y a une autre opinion ou une autre position différente. Si c'était eux, ils étaient tous d'accord, toi tu ne peux pas contredire. Mais si eux, ils étaient en désaccord entre eux, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire, ah ben tu vas sur n'importe quel qui te plaît. Tu dois, là, dans ce cas-là, tu dois appliquer tu dois retourner au Coran et à la Sunna, comme Allah dit dans le Coran. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le au Coran et à la Sunna. C'est-à-dire, ramenez-le au Coran, hein, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, إِلَى اللَّهِ, le ramener à Allah, c'est le ramener au Coran, وَرُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, ça veut dire, rapportez-le à la Sunna. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on le ramène à sa Sunna. D'accord? Donc, c'est ça qui m'explique ici le chef, que on a le respect de tous les quatre madahib. Et ça, c'est parce que, justement, ces gens de Bid'ah, quand ils ont vu que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il n'obligeait pas aux musulmans de suivre aveuglément un madhab, un parmi les quatre, ils ont dit, ah, ces gens-là, ils appellent les gens à sortir des madahib. Et ça, c'est kouf. Hein, donc ça c'est kouf et toutes sortes de choses comme ça. Donc, pour confirmer, non, le cheikh explique, il dit non, l'Arabie Saoudite, on n'est pas contre les quatre madahib. Ce sont quatre parmi nos imams. Ces quatre imams-là sont nos imams, les quatre, pas juste un d'entre eux qu'on choisit là. Les quatre au complet sont nos imams, et pas juste ces quatre-là. Tous les autres imams de cette époque-là sont tous nos imams, d'accord? Donc, et ces quatre imams-là, les quatre étaient salafis. Et leur manhaj, c'était le manhaj salafi. Et leur madhab, c'était le salafiya. C'est-à-dire de suivre le Coran et la Sunna. Et de suivre la compréhension de ceux qui les ont précédés. C'était ça leur madhab. Donc, c'est ça qu'on respecte au-dessus de tout autre. Donc, c'est ça, il dit. Donc, le roi Abdelaziz, il a dit, voilà la voie sur laquelle nous marchons, la voie des salafs. Et on va pas donner précédence à un mazhab par-dessus un autre. Hein, que ce soit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmad ibn Hanbal, ils sont tous nos imams. Il dit, et cette parole, ça c'est une parole, une bonne parole de cet imam, c'est-à-dire, de la part de Abdelaziz ibn Saoud, et elle exprime la signification réelle de qu'est-ce que représente Abdelaziz al-Salafiyya, c'est-à-dire l'islam dans sa pureté et dans son originalité. Hein? Et toi, sûrement, Issa, tu es au courant de ça, parce que je sais que les Ahbash, eux, sont parmi les groupes qui disent que si tu quittes le mazhab, tu es un kafir. Donc, non, ça c'est un des exemples de ça, d'accord? Un des exemples des groupes de gens qui disent des choses aussi absurdes. Subhanallah. Donc, le cheikh il continue par la suite et il dit وفي هذه الآونة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة وكتاب الغربيين والمعادين للإسلام والذين تقف الصهيونية وراءهم ويقف معهم في ظلمهم وافترائهم من تأثر بهم في بعض البلدان ومع أن الدعوة السلفية هي أبعد ما يكون عن التكفير والتبديع والتفقيق بغير دليل وهي أبعد ما يكون عن الغلو والتطرف إلا أن هذه الدعوة المباركة ألصق بها ما ليس فيها ونسب إليها ما ليس على منهاجها مما شوه جمالها وغير حقيقتها ونفر منها وزهد الناس فيها وأن من أبرز العوامل التي كانت سببا في ذلك هو وجود الجماعات الإسلامية الحزبية المعاصرة المتأثرة بفكر الخوارج لكون بعض رموز وقادة ومفكر هذه الجماعات قد يوافقون المنهج السلفي في بعض الطروحات والتوجهات بل قد يتكلم بعضهم باسم السلفية وهم ليسوا كذلك مما جعل الأمر يلتبس على الكثير من الناس الذين قد تخفى عليهم الحقيقة ظنا منهم أن هذه الجماعات سلفية أو على الفكر الوهابي كما يحلو للبعض تسميتها بذلك وإنك لتعجب ممن يسمي الجماعات الحزبية بالجماعات السلفية الجهادية وكيف تكون سلفية وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج وكيف تكون جهادية والمعنى الشرعي الصحيح للجهاد منتف عن هذه الجماعات لعدم توفر الشروط الصحيحة للجهاد في هذه الجماعات وإن العبرة هي بالحقائق والمعنى لا بالألفاظ والمسميات. Donc on va arrêter ici, on va continuer, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh il explique maintenant un point qui est très important. Qui est très grave en même temps, parce que c'est la réalité qu'on vit actuellement. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Il dit que, dans les derniers temps, l'islam en général, et l'Arabie Saoudite, ainsi que Ad-Da'wa Salafia en particulier, ont été les victimes de toutes sortes d'histoires et d'injustices et d'inventions à leur sujet. Il y en a de fausses histoires à leur sujet. De ces temps-ci, c'est vrai que les kuffars et même certains parmi les musulmans ou dans d'autres pays arabes ou dans les pays non arabes ont commencé à salir la réputation de l'Arabie Saoudite ou bien salir la réputation des salafis et la réputation de l'islam en général aussi. En essayant de mettre sur le dos de cette da'wa, qu'est-ce qui se produit dans le monde musulman, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alaykoum salam wa rahmatullah, on essayait de mettre sur le dos de cette da'wa toutes sortes de choses dont cette da'wa est innocente, hein. Et donc, il y a beaucoup des occidentaux qui ont écrit contre la da'wa salafia et contre la da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ils ont essayé de dire que qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman actuellement de terrorisme, hein, comme Ben Laden, étant donné que Ben Laden c'est un Saoudien, hein, et que beaucoup de ces groupes-là, beaucoup d'entre ces membres-là, de ces groupes-là, sont d'origine saoudienne. Donc, ils ont fait le lien d'une façon un peu simpliste, pour essayer de faire croire aux gens que qu'est-ce qu'ils en, les choses auxquelles ils appellent, les choses qu'ils font, ont un lien avec Da'wa Salafiyya. Et comme le cheikh il explique, il dit que Da'wa Salafiyya, elle est parmi les plus loin de qu'est-ce qui a rapport avec le fait de faire le takfir, ou de faire le tabdir, ou de faire le tafsir des gens sans preuve, sans référence. C'est-à-dire, parce qu'il y a des groupes qui sont apparus dernièrement, dans ce siècle, même il y en a d'autres qui étaient apparus avant, mais ceux qui sont apparus dans ce siècle ont certaines caractéristiques particulières, elles sont de plus en plus répandues dans le monde musulman, et bien ces groupes-là, ces jama'at-là, elles ont été, parmi les caractéristiques qu'elles ont développées, c'est qu'elles ont déclaré des sociétés musulmanes comme étant des sociétés apostates, c'est-à-dire des sociétés en dehors de l'islam, c'est-à-dire ils ont dit que ce sont des coupables. Et ils disent que les dirigeants, tous les dirigeants des pays musulmans sont des kuffars. Et que c'est obligatoire de les combattre par tous les moyens possibles, même si c'est par attentat, ou par terrorisme, ou par tout autre moyen possible. Hein? Ok? Et puis, on va laisser les questions pour après. Puis, parmi les exemples qu'on a remarqué depuis le 11 septembre, et puis même avant le 11 septembre, c'est une des caractéristiques, c'est ça, l'idée de takfir, l'idée de déclarer, vouloir déclarer les États, les pays musulmans comme étant des koufars, et déclarer les sociétés comme étant des koufars. Parmi les choses qu'on a vu apparaître au tout début, c'est le groupe des Ikhwan al-Muslimin, avec Hassan al-Banna et ses fidèles-là, qui était lui-même un soufi, hein, qui suivait une tariqa, appelée la tariqa al-Hissafiyya, hein, un homme qui célébrait le Mawlid al-Nabawi, c'était la fête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui allait se retirer vers les tombeaux, hein, et qui faisait les zikrs en groupe avec les soufis, et qui suivait la même méthodologie d'éducation que les soufis, comme par exemple rester silencieux, sans parler pendant des jours, comme si tu dis ah ben aujourd'hui je parle à personne. On sait que ça c'est une bid'a ahyani, mais ça fait partie des principes de soufis. Si tu dis bon aujourd'hui je parle pas à personne, je fais le jeûne de la parole. Il y a des histoires de ce genre. Aussi, donc tout ça c'est mentionné dans son livre, hein, منهج الداعي والداعية الدعوة والداعية أو كيف حسن البنا يعني عن يبدو أن تأكل التك et il explique là-dedans toute son histoire, comment il a grandi, comment il est rentré dans le soufisme, comment il a donné le bay'a à un cheikh soufi, et c'était la tariqa al-Hissafiyya, al-Shadiliyya, et comment il est allé célébrer le Mawalid, et comment il allait des fois en voyage. Il faisait un grand voyage, des heures et des heures de marche. Il partait après le Fajr, il arrivait à la tombe du Wali après le Maghreb. C'était très très très loin. Et puis là, il arrivait là-bas et là, il s'assoyait devant la tombe et puis là, il commençait à faire leur zikr et je ne sais pas quoi encore. Donc toutes ces formes de bid'ah, ça c'est des choses par lesquelles il a grandi. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont commencé, après un certain temps, ils ont vu que les chrétiens avaient des associations pour les jeunes, hein, comme le YMCA, hein, les organisations des... oui, c'est ça, Young Men Christian Association, quelque chose comme ça. Les scouts aussi, ils ont aussi copié le modèle des scouts, ils ont fait des scouts musulmans. Hein. Et ça même, il n'y a pas longtemps, là, ils sont apparus à Montréal. Il n'y en avait pas avant, mais il y a un gars qui est arrivé avec ça, puis il commence à répandre ça parmi les musulmans. Puis là, par la suite, en fait, les filles, scouts, comment on les appelle? Les Jeannettes. Donc, ils ont fait les Jeannettes musulmanes. Et bien entendu, ils ont fait là, par la suite, ils ont fait quoi? ils ont fait la propagation, ils ont fait la, l'appel à la mixité entre les jeunes, hein, comme dans les Louveteaux puis les Jeannettes, à les mélanger ensemble, parce que il faut qu'ils apprennent à se connaître, les gars et les filles. Donc, ils ont fait ça, maintenant, entre les jeunes. Donc, et même, il y a des jeunes étudiants à l'Université de Montréal, et dans d'autres universités aussi, qui appellent ouvertement à dire que la mixité est halal, hein, et qu'ils se basent là-dessus sur des facteurs, en fait, disant de certains parmi les gens bédards, comme Al-Qardawi et d'autres, comme Al-Ghazali. Ça, on n'est pas surpris d'entendre ça de leur part, parce qu'on a entendu des paroles beaucoup plus graves encore que ça, sur beaucoup d'autres sujets. Donc, Yanni, c'est juste pour vous donner un exemple. Et donc, en copiant ces mouvements-là chez les kuffars, essayer d'adapter ça à l'islam. Donc, tout ce que les kuffars faisaient, ils essayaient de l'adapter à l'islam. Hein. Mais, Yanni, Hassan al-Banna, quand il a fondé son groupe, il n'a pas fondé son groupe sur l'idée de « on va ramener les musulmans au tawhid, on va ramener les musulmans à la sunna, on va leur faire comprendre c'est quoi la bid'a, c'est quoi le fondement même de « la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », qu'est-ce que ça signifie ?» Non, juste la question sociale, les questions sociales, c'est-à-dire « ah, les jeunes ils boivent de l'alcool, ah, les jeunes ils font la fornication, ah, les jeunes ils font des péchés, ils prennent à rien faire, donc il faut les rendre actifs. Mais s'ils vont adorer la tombe de Zainab ou le Badawi, ou ils vont faire le tawaf autour de la tombe de Al-Hussein en Égypte, c'est pas grave ça. On les rassemble, et puis le reste, l'important c'est qu'on renverse le roi Farouk. Si on arrive à établir ensuite par la suite un gouvernement démocratique, et on va accepter tout le monde et on va mélanger tout le monde ensemble, mais en tout cas, toutes sortes d'idées qu'ils avaient, des principes de ce genre. Le but, d'unir le plus de monde possible, sans mentionner des principes ou des idées qui pourraient nous diviser. Hein, qui pourraient nous diviser. Donc, le tawhid, ça va nous diviser si on en parle. Donc, n'en parlons pas. Le manhaj, l'aqidah, sunnah, bid'ah, toutes ces histoires-là, le shirk, ça c'est des choses, si on en parle, ça va diviser les musulmans, on n'en parle pas. La même chose pour les jama'at tabligh, la même chose. Si vous regardez comment ils appellent les gens, à sortir avec eux et à faire le tour des mosquées et à dire, bon ok, il faut aller 40 jours quelque part pour faire le da'wah et tout ça. Mais quand ils commencent à faire le da'wah, est-ce qu'ils expliquent aux gens « La ilaha illallah » Qu'est-ce que ça signifie ?« Tawhid al-Rububiyya » Ça, « Tawhid al-Rububiyya » Ils en parlent, c'est-à-dire que Dieu existe. Il y a un seul créateur, et c'est lui qui a créé le monde. Ça, même les kuffars de Quraysh, ils le savaient. Ça, on l'a déjà expliqué dans notre cours. Au tout début, on a commencé à expliquer ça. Même les kuffars de Quraysh à la Mecque qui adoraient les idoles, ils savaient que Allah c'était le créateur et qu'il est un Dieu unique. Hein? Mais ils prenaient les intermédiaires, ils prenaient d'autres en dehors de lui pour se rapprocher à Allah, mais ils savaient que c'était Allah le seul et l'unique créateur. Hein? C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, « وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ » Si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire « Allah ». Ils savaient ça déjà, c'est pas ça le problème qu'ils avaient avec les mouchriquins. Le problème qu'ils avaient avec les mouchriquins, c'est de dire que c'est lui seul que vous devez adorer, pas les autres idoles que vous avez, laissez-les tomber puisque c'est pas eux qui vous ont créé, c'est pas eux qui ont rien fait pour vous. Ils peuvent ni vous nuire, ni vous apporter un bien. Donc adorez Allah seul. Et c'est ce point de vue-là qui est al-tawhid al-ibada, al-tawhid al-uluhiyya, ils en parlent pas du tout. Ils n'en parlent pas du tout. Et j'ai la preuve de ça même personnellement parce que j'ai assisté à un khutbah des gens de Tablir et il a parlé de shirk. Mais il a pas, dans tout le khutbah qu'il a fait en parlant du shirk, il n'a même pas mentionné une seule fois la question du shirk dans l'adoration. Toute sa question de shirk se limitait uniquement au shirk dans Ar-Rububiyya seulement. C'est-à-dire, le shirk dans le fait de dire, il n'y a pas un autre créateur avec Allah, il n'y a pas deux créateurs, il y a un seul créateur. Ou, il n'y a pas deux maîtres de l'univers, il y en a juste un seul. Hein? Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus, et tout le monde fait ça, la plupart des êtres humains, excepté certaines petites exceptions, parmi les athées, et parmi les chrétiens, et bien entendu, il y a eu certains soufis qui croient que certains awliyas ont le contrôle de l'univers, et d'autres, et les bouddhistes aussi, qui nient. Non, ça c'est la minorité. Parce que même. Non, mais ça là, c'est. En tant que religion, là, ils disent tous que. Comme par exemple, comme tu dis là, les bouddhistes, c'est vrai qu'ils sont un milliard. Mais, non, les Chinois sont un milliard, les Hindous sont proches d'un milliard, mais comme tu dis, c'est vrai que ils sont bouddhistes, sauf qu'en tant qu'individu, ça c'est la religion, ça c'est la religion, mais en tant qu'individu, tu vas aller voir chacun des personnes en Chine, là, tu vas lui dire, est-ce que tu sais qu'il y a un être suprême, un créateur qui a créé le monde, une force qui existe, qui a créé tout ça. On te dit oui. Hein? Même un athée ici à Montréal, là, un Québécois qui ne croit pas en Dieu, qui dit moi je ne crois pas en Dieu, tu lui dis, mais est-ce que tu ne crois pas qu'il y a quelque chose qui a fait tout ça, le monde là? Ouais, il va te dire, ben, il croit au Big Bang, mais aussi il va te dire, ouais, ben, il y a peut-être une force quelque part, quelque chose qui est au-dessus de tout, là, puis oui, mais il n'est pas capable de le définir, pas capable de l'expliquer ou de l'exprimer. Hein? Donc ça c'est la même chose que qu'est-ce que les derniers hein, par exemple le fait qu'il y a devient de l'islam. Ouais c'est ça. Et donc ils prennent ça comme par exemple tu vas demander à des chrétiens à un prêtre catholique. Alors qu'est-ce que c'est? Ouais la nature aussi au lieu de dire le créateur ou de dire Dieu ils vont détourner ça ils vont dire la nature hein al-tabi'a. Hein, ou bien, comme tu demandes à un chrétien, tu dis, est-ce qu'il y a un seul Dieu? Non, oui, il y a un seul Dieu. Mais quand tu rentres dans l'église, qu'est-ce que tu trouves? La statue de Jésus, la statue de Marie, la statue de Saint Joseph, Saint... Bon, c'est qui ton Seigneur? Ouais, il va dire c'est Jésus. Parce que pour eux, Jésus et Dieu, c'est là, une seule et même personne qui croit à la Trinité. Quand ils parlent de Dieu, ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils disent trois fois Dieu. Ouais. Et les trois, ils disent ces trois-là forment une seule personne. Pas trois personnes, une seule personne. Donc ça, c'est exactement ce que Allah a dit dans le Coran à propos du chrétien. Hein? كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Celui qui dit que Dieu est le troisième du trois, des trois, le troisième des trois, il est un kafir, laqad kafara. Donc ça c'est clair. Et donc c'est juste un point à mentionner pour dire que ces gens-là, le fondement de leur da'wah, comme l'Ikhwan et les autres groupes, comme Tablir, les Sururiyin et les autres, le fondement de leur da'wah, c'est pas d'appeler les gens à la ilaha illallah comme les prophètes, mais c'est plutôt d'appeler les gens à des histoires ou d'autres sujets qui sont secondaires, comme la politique, la justice sociale, ou d'autres choses qui viennent après. Que les prophètes n'ont pas attaqué en premier, ils ont attaqué ça par la suite. Et la situation de la Ummah actuellement, dans l'état où elle est, le problème des peuples musulmans, c'est qu'ils sont remplis de toutes sortes de formes de shirk dans la population. Hein? Vous regardez dans les grandes villes, c'est sûr que dans les grandes villes, vous allez en trouver des gens qui sont éduqués, qui savent beaucoup de choses au sujet de tawhid et tout ça, mais même encore là, vous trouvez des formes de bid'ah comme ça, et des formes de shirk au sujet des gens qui adorent les tombes et tout ça. Mais dans les villages aussi, quand vous sortez des villes, et là, vous voyez que c'est de là que beaucoup de bid'ah a origine, parce que ces gens-là, qui ne sont pas éduqués dans l'islam, qui ne sont pas éduqués. Peut-être qu'ils connaissent le Coran, connaissent les hadiths, mais ils ne sont pas capables de faire le lien entre qu'est-ce qu'ils ont lu du Coran, qu'est-ce qu'ils ont lu de la Sunna et la contradiction des actions qu'ils sont en train de faire sont complètement opposées à ce qu'ils font eux. Dernier sommet. Non. Ouais. De la ville. Pour venir donner ça. Donc, le fait nous donne un point important ici qui nous fait comprendre qu'en fait, même les anciennes villes, elles étaient bâties, leur économie était centrée sur ça. Sur le fait qu'au milieu de la ville, il y avait un darih, c'est-à-dire une tombe d'un saint, soi-disant saint, qui était enterré là, et quand ils avaient de l'argent, ils allaient donner en sadaqa ou bien ils égorgent un animal pour le saint, ou ils donnent de l'argent pour le saint, ou toutes des choses de ce genre. L'argent va, non, parce que les descendants du saint, ils ont une maison juste à côté, souvent, et c'est eux qui vont là-bas, ils prennent l'argent. Non. Donc, si tu veux devenir riche dans un pays où les gens sont noyés dans ces formes de bid'a et de shirk, eh bien, tu te construis une petite tombe là. Et si c'est un grand saint qui vit ici, et il est enterré dans cette tombe. Non. C'est vrai. Barakallahu fik. Ça aussi, c'est un autre point, c'est que le fait que les gens ont une éducation occidentale, ou qu'ils ont une éducation dans la dunya, comme par exemple quelqu'un est devenu médecin ou avocat ou architecte ou ingénieur, ça ne veut pas dire qu'il a compris le tawhid, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mushrik. Il y a des hindous qui sont ingénieurs et qui vont, quand ils ont fini de leur travail, ils sont direct à leur temple pour se prosterner devant une statue, devant une vache, ou bien devant Lingam ou Ganesh. Lingam, vous savez c'est quoi? Lingam, c'est un de leurs dieux, là, qui représente les organes génitaux de leurs dieux, là. Et ils se prosternent devant ça. Ils se prosternent devant ça. Et la même chose pour Ganesh, c'est le fils de Rama. Ils disent que quand Rama était petit, son père est revenu de la guerre, il a trouvé un homme devant sa porte. Il ne savait pas que c'était son fils, alors il lui a coupé la tête. Et sa mère est sortie de la maison, et puis elle a dit, mais tu viens de tuer ton fils, tu viens de lui couper la tête. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la tête d'un éléphant, il l'a mis sur le corps de son fils. Et donc, c'est pour ça que la statue que vous voyez là, un corps d'être humain avec une tête d'éléphant, ça c'est Ganesh, le fils de Rama. Ça, ils le prennent comme un dieu, là. Non, mes frères, ça c'est des fables, des légendes, des mythes, des mythologies. La même chose pour les Grecs antiques, la Grèce antique, ils avaient les mêmes mythes et les mêmes idées que les Hindous aujourd'hui. Et donc, c'est la même chose, tout ça c'est la base, c'est le shirk. Leur civilisation est fondée sur le shirk. Aujourd'hui, là, ils vous parlent de l'Occident, là. Ils vous disent que l'origine de la science moderne, ça revient tout de la Grèce. Mais quand ils vous parlent de la Grèce antique, ils vous parlent de tout comme si ces gens-là n'avaient pas de religion, ils n'avaient pas de croyance, ils n'avaient pas de croyance religieuse. Hein? Alors qu'en réalité, subhanallah, toute leur société était fondée sur l'idolâtrie. Hein?